Sadji dans la Narsan. Un explosif comme sa tigre. Des Ragnés à Aubert. Des salopes, on a fait taire. On est venu pour prendre le titre. Et bien pire, sans réserve. Il a rêvé, n'attendu qu'à vouloir le trône, on était trop. Sadji dans la Narsan. Un explosif comme sa tigre. Des Ragnés à Aubert. Des salopes, on a fait taire. On est venu pour prendre le titre. Et bien pire, sans réserve. Il a rêvé, n'attendu qu'à vouloir le trône, on était trop. Trop de rappeurs, un dans le game. En faisant un peu trop bizarre. Les principes sont de la lisa. En passant par le gosse un hasard. Tu veux qu'on te dise que de mon scut. Ça l'empresse bien un droit. Adoucis-toi, tes paroles, on se carre un droit et face à toi. Pas de pétanque, un pléro bosse pas en paix. Gros, c'est moi mon archer. Je m'excite comme un sergic. Quand ça ken et sortir, ça prend toi. Tu veux seum, on t'harcèle. Prends du H, franchement, toi, ça te fout le seum. Vaut mieux faire tes plans tout seul. Ouais, comme dans mon 210, l'heure qu'on a du courant dans les couilles. Si tu raisonnes bien, on trouvera de la cesse dans nos fouilles. Mangera pas pour les taspés, à part pour celles que je vais baiser. Sinon, je rappe pour tous les vrais, pour les mecs d'Aubervilliers. Embuscade de la Northside. Et tu es explosif, que les nus conquérir les titres. Bah ouais, voilà pour rire. Eh ouais, Sarko, on a réussi notre braco. Et c'est sur le toit que GF nous récupère en hélicoptère. Aïe, dans la Narsan. Un explosif comme ça pique. Des Ragnés à Aubert. Des salopes, on a fait taire. On est venu pour prendre le titre. Et bien pire, sans réussir. Il a rêvé, n'attendu qu'à vouloir le trône, on était trop. Sadji dans la Narsan. Un explosif comme ça pique. Des Ragnés à Aubert. Des salopes, on a fait taire. On est venu pour prendre le titre. Et bien pire, sans réussir. Il a rêvé, n'attendu qu'à vouloir le trône, on était trop. Eh eh, écarte tes tympans, des enceintes, cousins. T'arriveras jamais à t'écarter du score, sale porc. Ok, prends tes jokers car ils t'ont niqué. La RDT opère, Aubert à 1000 sont niqués. À la classe, prototype va t'étaler. Y'a du talent, des étalons en talons, des frères au ballon. Je vais vous mettre dans un trou, moi. Tout noir, inscris ton crew au tournoi. J'ai rien sur moi, à part du son qui pète, hein. Hardcore, écoute cette mixtape, hein. Ma parole enfile ton gilet par parole. Anti-âme sensible qui pisse dans l'ascenseur, elle est dans le chanceux. Pour ça que mes verres ont le sang chaud. Et ces putains, ils sentent chaud. Mais dès l'intro, je vais les sécher. Avec du feu, 45, tu sais. Comment ça se passe, alors viens pas avec des tasses. Short du 9-3, MC check ça. Sadji dans la Narsan. Un explosif comme ça clique. Des Ragnés à Aubert. Des salopes, on a fait taire. On est venu pour prendre le titre. Et bien pire, sans réussir. Il a rêvé, n'attendu qu'à vouloir le trône, on était trop. Sadji dans la Narsan. Un explosif comme ça clique. Des Ragnés à Aubert. Des salopes, on a fait taire. On est venu pour prendre le titre. Et bien pire, sans réussir. Il a rêvé, n'attendu qu'à vouloir le trône, on était trop. J'roule, j'avance les vitres par balles. Bienvenue dans ma Northside. Où les chocs chutent à 3 points. Les types à la vue du droit chemin. Tellement parano, je fais minimum 2 fois le tour du rond-point. À chaque coin de rue, ça bicrave de la mort. Faut le voir, pour le croire. La vérité sort de la bouche de mon canon. Que des cadavres qui tombent de mon camion. J'ai la rime explosive, genre vodka, chivas. Clo clo clo clo clochard. Mon bigot comporte des milliers de dodo do dollars. Baby girl, un gros désert eagle, couche-toi. Eh eh eh, garde la pêche. Les MC en sens, en sens, en je les laisse. Tu tires, tu braques, tu dis deal, mais on baise. Purée mon flow, la concurrence est trop trop gaise. Sadji dans la Narsan. Un explosif comme ça clique. Des Ragnés à Aubert. Des salopes, on a fait taire. On est venu pour prendre le titre. Et bien pire, sans réussir. Il a rêvé, n'attendu qu'à vouloir le trône. On était trop. Sadji dans la Narsan. Un explosif comme ça clique. Des Ragnés à Aubert. Des salopes, on a fait taire. On est venu pour prendre le titre. Et bien pire, sans réussir. Il a rêvé, n'attendu qu'à vouloir le trône. On était trop.